nouvelle pour les gens de Robertval ce matin. On a appris qu'il y a un dossier qui ça faisait quand même quelques temps qu'on entendait parler, c'est que la réfection de l'aréna, on a appris que ça va se faire à compter de avril 2016. En ligne pour nous parler un petit peu de ce projet-là, c'est le maire de Robertval, Guy Larouche. Bonjour, M. Larouche. Bonjour. M. Larouche, c'est un projet, évidemment, qu'on avait qualifié de moyen terme, puis finalement, ça a été plus vite. Pour quelle raison ça a été plus vite? Ben écoutez, c'est certain que là, nous, notre intention, c'est vraiment d'aller de l'avant pour avril 2013. Là, on dépose notre demande là au gouvernement et on a bien l'espoir d'avoir une réponse positive. Projet total de 6,2 millions. Okay. Contribution des citoyens de la ville, on parle de 2,6 millions à ce moment-là, soit 42% là, du total du projet. On se sert également d'une portion de la facture. OK. Vous parlez aussi qu'il y a peut-être un du côté d'une fenêtre d'ouverture. C'est pour ça que vous avez décidé de peser un petit peu sur l'accélérateur, c'est ça? Oui, exactement. Ben nous, on était en attente justement d'une fenêtre comme celle-là. Okay. C'est pour ça qu'il y a un petit peu plus d'un an, on a lancé un processus, comme on dit, d'appel d'offres avec une firme pour voir les travaux. L'étendue des travaux qui étaient nécessaires. Le centre sportif, écoutez, il n'y a pas eu de travaux majeurs depuis plus d'une quarantaine d'années. Donc, vraiment, tout un travail là, qui devait être fait. Et c'est pour ça qu'on a décidé là, d'aller de l'avant avec ce projet-là. Puis on parle d'une utilisation minimale de 80% et certaines périodes même jusqu'à 95% au niveau des temps de glace. Donc, c'est vraiment un équipement qui est extrêmement utilisé. Puis on veut s'assurer là, de en garder une pérennité, comme on dit, au niveau de la qualité de nos installations. OK. Vous parlez aussi que c'est du côté provincial que cette fenêtre-là, du gouvernement provincial, c'est ça? Et, oui, okay. Exactement. C'est le nouveau programme là, qui vient d'être mis en place. Est-ce que quels sont les travaux qui seront faits? Il y a toute la devanture. OK. Okay y a un nouvel agrandissement qui va être fait. Avec une façade vraiment aluminium, comme on dit, là, à l'extérieur. Entrée des deux côtés à ce moment-là au niveau de la nouvelle façade. Deux agrandissements de chacun des côtés. Présentement, la circulation se fait en avant des gradins. Donc, on refait complètement tous les gradins à l'intérieur avec, au lieu de des morceaux de bois, comme on dit, ça va être vraiment des sièges qui sont assis. Et la circulation va se faire dans les nouveaux agrandissements qu'on va faire. Donc, par le haut, à l'étage, en arrière. Okay, okay. Donc, deux nouvelles salles de joueurs également qui vont être faites. Déménagement de la restauration à l'étage. C'est vraiment des travaux qui sont d'une bonne ampleur. Et si on compare avec un nouvel amphithéâtre qui est un coût d'une vingtaine de millions, ça vaut la peine d'investir un 6 millions puis de le réactualiser okay. complètement. Donc, il y a un agrandissement des gradins que j'ai pu comprendre. Le centre Benoît-Lévesque, c'est quoi? C'est 800 personnes ça peut accueillir à peu près? Oui, exactement. Exactement. On demeure à 800 personnes, mais vraiment assis avec des fauteuils de qualité. Okay. Puis, en dessous des gradins, il va y avoir du rangement également là, pour les différentes okay. équipes. Donc, beaucoup d'améliorations, optimisation de ce qu'on a et remettre ça au goût du jour. Donc, je comprends bien, pour le moment, c'est un projet, mais à quel moment que vous allez être fixé puis vous allez confirmer que le tout va se faire? Dès qu'on aura les confirmations okay. De l'admissibilité au okay, programme. Okay. Monsieur Larouche, je veux vous parler des Sables de Robertval, de l'avenue des Sables de Robertval. Comment ça va présentement? Parce que bon, on me dit à Robertval qu'il voulait avoir un budget de 100 000. J'ai entendu dans les branches qu'il y avait déjà 30 000 $ d'amassés la dernière fois que j'en ai entendu parler. Est-ce qu'il y a un engouement à Robertval pour les Sables à ce point-là? Ben écoutez, moi, la campagne de financement que je faisais, c'était une campagne de l'ordre de 100 000 $ que j'avais ouais. annoncé. Ben, on est très fiers de vous annoncer présentement qu'on est rendu à 95 000 $ au niveau de notre campagne. C'est vraiment majeur. Il y a une mobilisation présentement des gens d'affaires qui est faite pour nous appuyer. Donc, c'est vraiment intéressant. La mascotte a déjà été commandée. On est en attente là, de la recevoir. On a même un concours pour trouver le nom de la mascotte. Donc, ça avance extrêmement bien. Déjà, plusieurs joueurs ont été contactés. Okay. Le camp va débuter bientôt, oui. Soit fin août normalement, premier camp de repêchage, comme on dit. Ça fait que, écoutez, on est rendu 13 personnes sur le comité d'administration au total là, pour au niveau de l'organigramme. Okay. Donc, vraiment extrêmement intéressant. On a l'entraîneur, deux entraîneurs adjoints qui ont confirmé leur participation. On est en attente d'un autre. On a également, on est rendu que le directeur-gérant adjoint. Oui. Ça avance à un rythme incroyable. Ici, c'est facile. Les gens nous appellent. Oui. Donc, ça prouve vraiment que Robert Valls, c'est, okay. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et contrairement à d'autres endroits, ben, nous, on aura eu l'équipe avant l'amphithéâtre. Ouais. Ça fait que là, c'est le temps d'avoir l'amphithéâtre. Monsieur Larouche, je veux vous parler du hockey mineur. Vous aviez dit que ça va être géré un petit peu par le hockey mineur de Robert Valls ou que vous allez être parrainé par le hockey mineur. Sauf que quand vous avez dit ça... Je me suis mal prononcé, mais donc ça va être parrainé par le hockey mineur. Au moment où ce que vous disiez ça dans les journaux, j'avais Hugo Maltin, le président du hockey mineur, qui fait des chroniques régulièrement à l'antenne ici, puis il disait, moi, j'ai jamais eu de rencontre avec M. Larouche, j'ai jamais parlé, fait que faudrait bien s'entendre. Donc, depuis le mois de juin, est-ce qu'il y a eu une entente entre le hockey mineur, puis parce que eux... Oui, il y a eu une entente qui a été faite. Il y a des discussions qui avait été avancée dans ce sens-là pour voir au niveau administratif à la possibilité que ça passe via l'ordinaire. Okay. Mais on a eu la confirmation il y a quelques semaines. On a même une entente également au niveau des revenus publicitaires pour ce qui est des bandes, des affichages, tout ça, avec le hockey mineur. Donc, parce que c'est le hockey mineur qui avait l'entente avec... qui restait 2 ans, comme on dit, avec la ville de Robert-Val. Donc, pour les 2 prochaines années, 25% des publicités vendues vont être mises au... Mais si jamais il y aurait un déficit, le hockey mineur de Robert-Val ne serait pas garant de ça? Non, pas du tout, puis il n'y aura pas de déficit. Okay. Quand il y a de l'argent dans un coffre, il n'y en a pas de problème. Ben, M. Guillet... Puis c'est pour ça qu'en partant, j'ai dit, on fait vraiment une campagne de financement, on va mettre de l'argent dans le compte de banque. Ça fait comme ça, on va être en mesure d'être efficace. M. Guy Larouche, on va vous souhaiter la meilleure des chances avec votre projet, puis on va se parler des Sabres régulièrement. Exact. Puis écoutez, on vous invitera à venir faire un tour lors du match inaugural. Vous allez voir qu'on va faire les choses en grand, comme on sait le faire. Effectivement. Guy Larouche, le maire de Robert-Val. Merci. Merci, bonne journée.